recevez le guide en Égypte. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Welcome in Egypt. Shukran. Comment t'appelles-tu? George. Ah, aussi, pareil. Toi, George. Saba El Rer, bienvenue à vous. Suivez le guide est en Égypte, un enregistrement réalisé à l'automne 2014, alors que l'Égypte connaît une vraie baisse de fréquentation touristique, moins sur les sites balnéaires qu'au Caire ou en Haute-Égypte, là où nous mène notre voyage. Nous avons embarqué à Louxor, à bord du steamship Soudan, le bateau historique sur le Nil, sur lequel a navigué Agatha Christie et où ont été tournés des films. Je suis Monsieur Poirot, Hercule. Wow. Le steamship Soudan restauré et exploité par Voyageurs du Monde. Chaque cabine a son nom, lié à l'histoire de l'Égypte et du bateau. Cabine 17, le Vénitien inconnu pour Roman. Cabine 15, John Mason Cook pour moi, le fils de Thomas Cook, l'inventeur du voyage organisé. Amir, le directeur du bateau, nous a accueillis très chaleureusement. 67 hommes d'équipage travaillent et sont logés à bord, pas de femmes, pour une cinquantaine de passagers au maximum. Nous sommes donc en croisière aujourd'hui, nous remontons le Nil vers Assouan. Bassem, c'est le guide francophone à bord du bateau, un autre guide prend en charge les passagers anglophones. C'est Bassem, dont la voix et le phrasé nous font penser à Michel Boujna, qui nous donnera toutes les explications. Rencontre également avec des passagers, mais pour commencer, le directeur, notre ami Amir, nous donne quelques infos sur cette vieille dame, plutôt en grande forme après quelques liftings, le steamship Soudan. On parle du steamship Soudan, on parle du bateau le plus ancien sur le Nil. Aujourd'hui? Oui, jusqu'aujourd'hui. C'est l'unique aussi sur le Nil. C'est le seul bateau qui navigue avec la vapeur jusque maintenant. Et ce bateau était construit en 1885 par l'agence de Thomas Cook à Londres. Et ensuite, la famille royale égyptienne a utilisé ce bateau. La famille royale du roi Fouad et son fils, le roi Farouk. Le dernier roi d'Égypte. Ce bateau aussi, il n'est pas seulement l'unique sur le Nil, mais il porte un titre et un nom complètement différent de les autres bateaux sur le Nil. Et comme on l'appelle toujours, le bateau avec trois S. SS Soudan. Oui. SS Soudan. Oui, exactement. SS. Le SS, c'est toujours on le dit comme ça. Le SS, un titre, que ça veut dire steamship, bateau à vapeur. Exactement. Ouais. Mais les autres bateaux sur le Nil portent un autre titre, c'est le MS. Qui ça veut dire motorship. C'est simple. Oui, bateau à moteur. Mm-hmm. Mais le plus intéressant, le nom, Soudan. Pourquoi ces bateaux s'appellent Soudan? Et spécialement aussi, quand vous savez que toujours le même nom, jamais changé, à partir de construction jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le Soudan, il est le nom de notre bateau. Ces bateaux s'appellent Soudan pour beaucoup de raisons. D'abord, quand vous savez qu'il y a beaucoup de titres à te donner pour le roi d'Égypte, comme Afandina, comme Sahab el Galala, comme il est marqué ici, le Sultan. Ouais. Le Sultan, ça veut dire le roi. Et, mais ces titres. Enfin, ici, il faut préciser que c'est la photo qui est au-dessus de nous. Parce qu'ici, à la radio, on ne comprend pas trop le ici. Donc, c'est qui alors au-dessus de nous en c'est photo? C'est ça, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali. Hein. Oui, mais mm-hmm. L'autre côté, juste là, ouais. c'est marqué le Sultan Fouad. Ouais. Mohamed Ali, c'est celui qui a offert l'obélisque de la Concorde à la France. Oui, mais Mohamed Ali, c'est un personnage remarquable dans l'histoire d'Égypte. Ouais. L'histoire d'Égypte moderne. On dit que c'est le père de l'Égypte moderne. Exactement, hein. Grâce à lui, l'Égypte moderne. On revient pour l'histoire du bateau. C'est ce qui nous importe là, parce qu'on est sur le steamship Soudan. Oui, et le nom de ce bateau. Comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de titres de donner pour le roi d'Égypte, mais ces titres n'étaient pas officiels. Un seul titre officiel était donné pour le roi d'Égypte. Et ce titre officiel était toujours pour tous les documents royaux, pour tous les ordres royaux, pour tous les messages royaux, pour toutes les signatures royales. Et il était comme ça, le roi de l'Égypte et le Soudan. Quand le Farouk ou Fouad a signé quelques papiers, doit marquer, enfin, Farouk, le roi de l'Égypte et le Soudan. Précisons que le bateau, nous remontons le Nil actuellement, nous allons vers le sud. Quand on va vers le sud de l'Égypte, on remonte le Nil, on ne va pas aller jusqu'à la source, aux sources du Nil, parce que ça c'est beaucoup trop loin, ce n'est pas en Égypte. Le pays qui est après l'Égypte, aujourd'hui encore, c'est le Soudan. Hein. Exactement, c'est toujours le Soudan. Mais maintenant, comme vous avez dit tout de suite, c'est le Libye. Avant, à l'époque de le roi, à l'époque de le roi, était un royaume, les deux ensemble, c'est l'Égypte et le Soudan. Aussi, le Soudan avait navigué le maximum du sud, dans cette époque, jusqu'au Wadi Halfa et jusqu'au premier cataracte. Pas le sur Soudanil, bien sûr, mais Nord-Aswan. Nord-Aswan, oui. Nord-Aswan. Aussi, à l'époque de le roi, il y a 5 ou 6 bateaux naviguent avec la vapeur aussi. Et un bateau s'appelait l'Égypte et naviguait le nord d'Égypte. Et quand le roi il a aimé d'avoir un autre bateau pour son famille qui navigue le sud d'Égypte, il a aimé de lui donner le nom Soudan. Comme ça, il a les deux noms de son royaume. L'Égypte et le Soudan. Exactement. Deux bateaux, l'Égypte et le Soudan. Exactement, ouais. Exactement. Ouais. C'est pour ça que notre bateau s'appelle Soudan. On dirait un yacht royal. Un yacht royal, mais la yacht, c'est un mot, ça veut dire quelque chose moderne, quelque chose... Oui, enfin, disons que c'était le bateau privé. Floating palace. C'était vraiment réservé à l'usage du roi, de sa famille, des proches, de la cour, enfin, etc. Oui. Le roi, au départ, c'était Fouad. Oui, le premier Fouad et son fils Farouk. Et son fils Farouk. Le deux. Mais je vais vous dire que, comme maintenant, tous les présidents, tous les rois sont toujours occupés. Le roi et son famille, il a fait croisure sur le Soudan pas beaucoup de fois, pas beaucoup de temps. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile de venir le sud d'Égypte. Oui, aujourd'hui, on prend une heure d'avion depuis exactement. Ou une nuit de train. Même maintenant, tous les présidents d'Égypte visitent Haute-Égypte très très rare. Rarement. Oui, rarement, bien sûr. Mohamed Morsi, il est venu ici? Non. Non? Non. Quand je vous ai rencontré, j'ai tout de suite vu que vous aviez un rôle protecteur envers elle, que vous vouliez l'empêcher de faire quelque chose. Mais le buveur solitaire va user de 1000 stratagèmes pour continuer à boire sans éveiller les soupçons. Et hier, vous avez découvert où elle cachait sa réserve. Alors, pendant son sommeil, vous avez jeté les bouteilles par-dessus bord. C'est bien cela, n'est-ce pas? Quand on parle de Steamship Soudan, on doit parler d'Agatha Christie et son visite sur le Soudan. Dans les années 30. On a reçu d'informations qu'elle était invitée et d'y rester quelques jours à bord. Et à cause de son accommodation sur le Steamship Soudan, donc était sa chambre, enfin son hébergement. Oui. Oui. Mm-hmm. Et l'expression d'écrire Mort sur le Nil. Oui. Parce qu'en fait, le mari d'Agatha Christie, qui était son deuxième mari, hein, oui. Il était en fait plus jeune qu'elle. Hein. Elle avait 14 ans ou 15 ans de plus que lui. Oui. Il était archéologue. Hein. Oui. Bon, on peut beaucoup voyager en allant sur les pas d'Agatha Christie. Oui. Quand on va à Istanbul, quand on va au Pera Palace à Istanbul, quand on va en Syrie, enfin, etc. On va dans les pas d'Agatha Christie, comme c'est le cas aussi parce qu'il était archéologue. Nous sommes sûrs aussi qu'il a commencé à écrire quelques parties de son livre à port. On connaît l'année précise où elle était sur le bateau. Je pense qu'elle était 34. Et le roman sort en 37, je crois, 4 ans plus tard à peu près. Oui. Enfin, quelques années plus tard. Oui. Et les années 70, quelques scènes du film Mort sur le Nil étaient tournées à port. Alors ça, c'est le film de John Guillermin avec... Peter Ustinov. Peter Ustinov. Oui, ils sont l'ancien. Mais je dois vous dire que pas toutes les scènes qui étaient tournées à port. Seulement les scènes intérieures qui étaient tournées à port. Les scènes extérieures étaient tournées sur un autre bateau, mais elles n'existent plus maintenant. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons une deuxième version, une nouvelle version des films sur le Nil, Mort sur le Nil, était tournée à port. Le 1er de décembre jusqu'au 18 décembre 2003. Mmh. On a passé 18 jours avec l'équipe du film. Ça, c'est la série télé. Hein. C'est Hercule Poirot de la série télé. Oui. Et cette fois, c'est lui, David Suchet, qui a fait le personnage Hercule Poirot. Et l'extérieur, c'était quel bateau alors, L'ancien. Pour celui des années 70, oui. Puisque c'était les intérieurs. C'était un bateau à vapeur, mais il n'existe plus. I know how you feel. We all feel like that at times. Only I warn you, mademoiselle, do not allow evil into your heart. It will make a home there. If love can't live there, evil will do just as well. Oh, how sad, mademoiselle. Je monte avec vous le Stuart doucement. Est-ce que vous avez le temps? Parfait, parce qu'on remonte doucement le Nil, donc remontons l'histoire doucement. Pareil. Exactement, avant les années 50, ce bateau était vendu à monsieur Mustafa Pacha El-Nahas. Ce monsieur était le premier ministre d'Égypte, était le président de le parti politique qui s'appelait le Wafd. Et ce parti existe jusque maintenant en Égypte. Et Mustafa Pacha a offert ce bateau comme un cadeau. Sa femme était très jolie. était très bien connue en Égypte aussi comme une dame très importante dans la vie politique d'Égypte. Aussi, elle était plus petite de lui à peu près 20 ans. Plus jeune, pardon. À peu près 20 ans. Et ce monsieur, il a essayé de faire tout le maximum parce qu'il a aimé beaucoup sa femme. Et pour ça, il a acheté le yacht Soudan pour offrir. Ouais. Et on arrive jusqu'à les années 60. À l'époque de Nasser, ces bateaux étaient nationalisés par le gouvernement. Il est resté avec le gouvernement à peu près 10 ans, sans rien faire. Donc là, il se dégrade. Oui. À l'époque des présidents, il s'adapte, les années 70. Les héritiers de Zineb Hanem el-Wakil, la femme de le premier ministre, ont vendu ce bateau pour un VC égyptien. Ils l'ont vendu à une personne ? À une personne. Ah oui, à un investisseur. Un investisseur. Oui. Et cet investisseur, il a commencé à faire ses bateaux pour tourisme. Il a changé beaucoup de choses, mais il a gardé la même ambiance de charme, heureusement, de notre bateau. Et le Soudan, il a commencé la première croisière sur le Nil avec des passagers, 1993. Mais il a commencé à arrêter beaucoup de fois, pour beaucoup d'années, à cause de la maintenance mauvaise qu'il a déjà fait. Ah, la maintenance, oui. Oui, malheureusement. L'entretien. Spécialement pour un bateau fragile comme ça et avec un grand âge comme ça, doit... C'est une vieille dame. Hein? Jusqu'à l'année 2000. Mais il n'a pas été abandonné sur un... Il était abandonné complètement. Ah oui, c'est ça, abandonné complètement. Oui, en 2000, l'année 2000, il était abandonné, était au Caire, quand le président de Voyageurs du Monde, notre très respectueuse... Oui, mais franchement, honnêtement, c'est une agence très respectueuse. C'est un patron et c'est un père aussi. On l'appelle le père de Soudan. Oui, parce que... Le père. Oui, on aime beaucoup. Ah oui. Ça fait toute l'équipe ici, il adore notre président. Il a trouvé au Caire, était complètement abandonné. Et à partir de cette date, elle commence à faire beaucoup d'entretiens, beaucoup de travaux. Et bien sûr, Voyageurs du Monde, elle a commencé à louer. À le louer. Et dans le même temps, elle fait aussi les travaux et l'entretien. Jusqu'à l'a acheté complètement en 2006, 100%. Et à partir de cette date aussi, on commence... Beaucoup de travaux. From the pen of Key, the lead scribe for the pharaohs of the mighty four corners of 39th Street, the lyrical Hypno and the rhythms of Rahim, the longing to return to the land formerly known as Kemet, the scarab rose from the Satyr field into the great house for the sunrise. On the now, Bismillah, Yerachman, Yerahim. Effectivement, même des capteurs solaires sont sur le pont supérieur. Nous sommes à bord du steamship Soudan qui remonte le Nil. L'autre bateau sur lequel a été tournée la version cinéma de Mort sur le Nil en 1978 serait le Memnon ou le Victoria. Pour en être certain, il faudrait poser la question à Hercule Poirot. Concernant la première mise à l'eau du Soudan, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Amir. Le bateau serait déjà de la deuxième génération et daterait des années 1910 à 1920. Mais cela n'enlève rien au charme du Soudan. Walk like an Egyptian. Montons à présent sur le pont supérieur où nous attend le guide Bassem. Nous remontons le Nil vers Assouan, entre Louxor et Assouan. On vient de passer un site, c'est une carrière. Finalement, c'est le point de départ de la plupart des temples de la vallée du Nil, entre de Louxor, Assouan. On a vu le point de départ, en fait. C'est tout par-delà. Oui. En fait, tous les blocs de temples de Karnak, le temple de Louxor, Medine Tabou, le temple d'Oudfou qu'on a visité ce matin, Komombo, ça vient de là, et c'est du grès. Et on a bien profité qu'en fait, la carrière donnait sur le Nil. Alors ils ont juste détaché le bloc, ils l'ont amené sur le bateau, surtout à l'époque de la crue du Nil. Et voilà, on a avancé vers le nord, où il y a Louxor, où il y a les grands temples. Bon, ça devait être plus facile d'aller quand même vers Louxor que vers Assouan, parce qu'il fallait remonter en plus avec... C'était lourd quand même. Ouais. Mais c'était un exploit de transporter ces gros blocs. Hein. Oui, ils ont travaillé avec les bateaux pour faire le transport. Et bon, parce qu'en fait, ils ont pris pas mal de blocs. Hein. Bon, le temple de Madine et Tabou, on a des textes là qui nous disent qu'ils ont découpé 18 000 blocs pour construire le temple de Madine et Tabou. Ils ont détaché les blocs avec une façon assez intelligente. Ils ont simplement fait des trous dans la pierre par les ciseaux et les marteaux de bronze. Et voilà, ils ont rempli les trous avec de bois de sycomore, arrosé le bois, ça gonfle, et après ça, la pierre s'éclate. Une rampe de sable, hop, ça a été glissé sur le bateau. Voilà, génial. Nous remontons, Bassem, vers les sources du Nil. Alors, on ne va pas remonter jusqu'aux sources du Nil. Je pense pas. Non. on va descendre du bateau à Assouan. On peut pas aller plus loin aujourd'hui. On ne peut plus aller plus loin de toute façon. Enfin, on va passer la nuit aujourd'hui à Komombo. Mm-hmm. Ouais. Et demain, on va encore naviguer 45 kilomètres. On sera à Assouan. Assouan. Mais on peut pas aller plus loin. Après, il y a le barrage. Il y a le barrage. Il y a le haut barrage. Après, il faut changer de bateau. Mais c'était comme ça. C'était. Mais on changeait aussi au 19e siècle de bateau. Oui. Cela dit, si on voulait aller par un moyen ou un autre jusqu'aux sources du Nil, on aurait combien de kilomètres à parcourir d'ici jusqu'aux sources? Mais c'est long. Ça fait 4800 kilomètres ou 5000 kilomètres, une chose comme ça. Parce que le Nil, il fait 6800 kilomètres de long. Ouais. Alors là, on a fait 1000. Non, mais quand même, c'est 5800 kilomètres. Jusqu'au lac Victoria. Ouais. Et la partie donc égyptienne du Nil, ça représente 1200 kilomètres. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc ça fait à propos, quoi, le Nil, il donne... cinquième, quoi. Il donne sur 10 pays. Hein, il y a Rwanda, Burundi, l'Éthiopie, le Soudan. Maintenant, quand même, le Soudan est divisé. Alors, il y a le Nord, le Sud, Ouganda, la Tanzanie, Congo, une partie de Congo. C'est un des fleuves le plus grand du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, on voit des oiseaux. Bon, pour les beaucoup les d'oiseaux, amateurs, beaucoup ils d'oiseaux. Peuvent les identifier. Beaucoup d'oiseaux. C'est le début de la saison. Parce que vous voyez, la majorité des oiseaux ici, c'est des oiseaux d'émigration. Ils viennent de chez vous en Europe. Ici en hiver, en cherchant le soleil, et après ça, au mois d'avril, mai, ils retournent chez vous. Donc là, ils arrivent. Là, ils arrivent. Ouais. Et le meilleur moment pour voir les oiseaux, c'est au mois de décembre, janvier. Mais il y a tout. Vous allez bien remarquer les cigognes, le martin pêcheur ce matin, si vous avez vu, le héron chassier. Mais par contre, l'ibis a disparu. Les gens, ils pensent toujours qu'ils vont voir des ibis ici, hein, mais ça risque de disparaître. Ils voient un oiseau qui ressemble beaucoup, ils pensent que ça, c'est l'ibis, mais en fait, c'est les aigrettes. Les oiseaux sont des oiseaux qui sont pêcheurs. Ils pêchent quoi dans le Nil? Les poissons. Les poissons, comme les humains aussi, mais quels poissons? Le poisson bien connu, c'est la perche du Nil. La fameuse perche du Nil. Ouais. Et comme on a dit ce matin, il y avait plusieurs espèces de perches. Mais il y a aussi le poisson tilapia. Il y a le poisson chat. Il y a le silure. Vous avez même parlé du silure. Les silures, qui est un poisson qui est très bon, oui, mais qui n'est pas très beau. Oui, voilà. Enfin, on lui demande surtout d'être bon. Il a fait une erreur. Et puis sur les rives du Nil? Là, sur le rive, on cultive plus les cannes à sucre. Parce qu'on s'approche d'une sucrerie. À Komombo, il y a une grande sucrerie. Là, il y en a plusieurs. Hein. Il y a encore les dattiers, il y a les manguiers. Ouais. On cultive de blé, de légumes. La canne à sucre a été apportée ici? Ah oui. C'est pas du tout naturel. Oui, ça vient de la Mexique. Et ça a été apporté par Mohamed Ali au 19e siècle. Jamais avant. Mohamed Ali, c'est le fondateur de l'Égypte moderne. Ça, il ne faut pas oublier. Les animaux? Il n'y a plus de crocodiles, malheureusement. Quand j'étais jeune, on a fait les croisières sur le lac Nasser et la nuit, on les a jeté la viande dans le lac. Ils viennent comme un morceau de bois, ils avalent la viande. Mais il y a le varan de Nil, c'est un grand lézard. Et les gens, ils le voient, ils pensent quelquefois que ça, c'est un crocodile. Ils disent un crocodile, mais finalement, c'est le varan de Nil. Les hippopotames, disparus. Les derniers hippopotames aussi, on les a vus au début du 19e siècle. Et à cause de changements de climat, de température, ils sont maintenant ici, au sud de Soudan, il y a Ouganda... C'est agressif, c'est fou. Hein. À l'époque pharaonique, ça tuait beaucoup de gens, l'hippopotame. Chacal, serpent. Serpent, oui, ça existe, mais on ne le voit pas souvent parce qu'il se cache bien. Les scorpions. Mortel, pas mortel? Il y a les deux. Il y a les deux. En Égypte, il y a souvent deux sortes de scorpions, si j'ai bien remarqué. Un qui est un peu gros et noir, c'est moins grave. L'autre, il est jaune et tout petit. Celui-là, il n'est pas extraordinaire. Et ça dépend où on est piqué quand, en fait. À quelle heure? Bon, j'aime bien vous dire que j'étais piqué une fois. C'est vrai? Oui, mais ça, il y a longtemps, au désert. Et la première question qu'ils m'ont posée à l'hôpital, c'était quand? Alors, je pensais que ça, c'est une question idiote. Je dis, ça vous sert à quoi? Il m'a dit, écoute, jeune homme, si ça a été, par exemple, vers le coucher de soleil, tu vas bien mourir. Parce que là, le scorpion se réveille. Elle est pleine de poison. Mais si ça a été, par exemple, vers l'aube, alors là, il a déjà piqué d'autres choses, t'as encore plus de chances de survivre. Et c'est vrai. Et heureusement, moi, j'étais piqué à 2h du matin, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais ça, c'est une vérité, d'ailleurs. Mm-hmm. Je savais pas ça. La croisière sur le steamship Soudan, c'est un peu une croisière. Alors, c'est une croisière qui a commencé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, pour lancée par le fils de Thomas Cook. Oui. Tout le monde connaît le nom, hein, de, oui, de Thomas, oui, Cook. Oui, oui. Donc, c'est John Mason Cook. Il a inventé le voyage organisé. Hein. Oui. Mais l'agence Thomas Cook, c'est lui qui a inventé le voyage organisé pour faire le voyage en Égypte. Pas en juste général. En Égypte, hein. Il a inventé ailleurs, tout court le ailleurs, voyage organisé. Dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Et il y avait l'idée d'aller d'un hôtel à l'autre, du Winter Palace. Et c'est eux aussi qui ont fait construire ces deux hôtels historiques et mythiques sur les bords du Nil. Juste à Old Cataract. Et puis le Old Cataract, qui sont vraiment les deux hôtels historiques. Ouais. Et il fallait de toute façon faire étape au Old Cataract pour ceux qui allaient plus loin, parce qu'il fallait changer de bateau. Parce qu'il y avait les cataractes de Nil. Parce qu'il y avait Ça s'appelle les cataractes. Les chutes. En fait, oui, ouais. Les cataractes, ça a été les chutes. Maintenant, il y a moins parce qu'il y a le barrage, le nouveau barrage de Nasser. Mais avant, ils ont navigué avec des autres bateaux jusqu'à Abu Simbel et jusqu'à Wadi Halfa, qui est en fait au nord du Soudan actuel. C'est la première ville au Soudan actuel. Mais maintenant, tout, malheureusement, la Nubie est perdue à cause du lac Nasser. Le lac a inondé toute la Nubie. Voilà, et on a déplacé, rappelons-le, Abu les Simbel. On a déplacé les temples d'Abu Simbel et Filaye aussi. En fait, il y avait 14 temples qui étaient déplacés. Le plus connu, c'est Abu Simbel et Filaye, mais il y a deux autres, moins grands, moins importants. Et quand on fait la croisière sur le lac Nasser, on voit tous ces temples qui étaient déplacés. Et d'ailleurs, dans Mort sur le Nil, dans le roman, Hercule Poirot et tous les passagers vont, hein, naviguent jusqu'à Wadi Halfa. Jusqu'à Wadi Halfa, oui. C'est après Abu Simbel, en fait. Avec son mari archéologue. Hein. Oui. Mais il a dit une très belle phrase, hein, Agatha Christie. Il a dit, il faut se marier avec un archéologue. Plus que tu es vieilli, plus qu'il fait attention à toi. Ah. Comme femme. Oui, Agatha Christie a dit ça. Ah oui. C'est génial. Et c'est pas une mauvaise idée, ça. Et pour vous, ça marche? Du coup, les femmes le savent et viennent. Ah, vous n'êtes pas archéologue, mais vous êtes comme égyptologue. Oui, pour le moment, je suis seul, mais on verra bien. On peut chiffrer le nombre de sites archéologiques en Égypte? Il y a des milliers de sites. Des milliers, oui. Et on pense qu'il y a encore 50% de monuments égyptiens qui sont encore ensablés, qu'on les a jamais découverts. Et jusqu'au 19e siècle, on a désensablé. On a désensablé beaucoup de sites, hein. Oui. Surtout Bar Auguste Mariette, l'égyptologue français. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de travaux en Égypte. Il y a encore des choses à découvrir, par exemple, à Louxor, surtout à la rive ouest, à côté de la vallée de Roi et la vallée de Rennes. Le site de Saqqara, au sud de Caire, il manque encore beaucoup de choses. Ça, c'est des endroits, à mon avis, où on va trouver beaucoup de monuments. Et partout en Égypte, il y aura des monuments toujours à découvrir. Le guide en Égypte. Nous terminons notre croisière et accosterons à Assouan. Rencontre également avec des passagers, un couple d'anglais, Vicky et Johnny. C'est notre dernier déjeuner à bord. Qu'est-ce qu'on mange? Les menemedi, les entrées, les feuilles de vigne avec des aubergines, avec des pois chiches. Le plat principal, pochette poisson avec des pêches hachées, sabel kefta et avec du riz. Les desserts, tarte aux dattes. Bon appétit. بالهنا والشفا شكرا Alors que nous arrivons à Assouan avec Bassem, notre guide, nous sommes montés sur le pont supérieur pour qu'il puisse nous décrire l'arrivée à Assouan. Là, c'est le tombeau pour le gouverneur d'Assouan à l'époque pharaonique, le trou là. Il y a un mausolée de Moyen-Âge. Ah, et oui. Là, c'est l'île Éléphantine. Derrière cette île, il y a une autre île, c'est le jardin botanique, l'île Kitchener. Et là, au désert, il y a le mausolée de l'Aga Khan. Et la villa aussi de l'Aga Khan, la maison en dans bas. Laquelle vivait la Begum. En bas, ouais. Et en haut, il y a le mausolée. Qui habite aujourd'hui dans la maison alors où, c'est fermé. Karim Khan, c'est qui est le petit-fils de l'Aga Khan. Il a fermé depuis quelques années, même il a fermé le mausolée. Mais il vient chaque 5-6 ans, bord 2 semaines. Il habite en France et aux États-Unis. Et la Begum est enterrée là? Oui, en 2000. Vous savez, la Begum, elle était... On a vu hier la photo. Oui. Miss France 1930. Miss France 1930. Hein. 1930. Son nom, Yvette. Yvette. Mais elle n'est pas enterrée dans le mausolée. Hein. Si. Ah si, dans, si. Avec l'Aga Khan. Si, et à propos, il a fait ici une société pour aider les pauvres à Assouan. Une grande association qui s'appelle l'association de Om Habiba. Et Om Habiba, c'est le nom arabe que l'Aga Khan il a donné. En revanche, tous les visiteurs voient cette espèce de tour de contrôle de l'hôtel Mövenpick. Et tout le monde dit c'est moche. Ouais, ouais. Souvent, on pense que ça, c'est l'aéroport. Tu vois. Vous voyez, ouais. Des bâtiments comme ça, ils étaient faits aux années 60-70 où on a fait beaucoup de masses de béton. Ouais. Mais on change ça. Ouais. Hein, on a détruit le nouveau Winter Palace pour cette raison. Qui était moche aussi. Qui était moche. Juste derrière le temple de Luxor, on voit ça, c'est pas beau. Voilà, et ce soir, on va faire sauter la tour de Mövenpick. Non. L'extension est moins moche. Parmi les dieux, le destin le plus tragique, c'est Osiris. Malheureusement. Hein, qui a imagine-toi. Qui a été éparpillé façon puzzle. Hein. Elle était déchirée en 14 morceaux. Il a perdu un morceau avec le silure. Quel morceau? L'obélisque. L'obélisque d'Osiris. L'obélisque d'Osiris. C'était une tournure imagée. Oui, mais avant. Les gens, ils l'ont aimé grâce à ce drame, l'histoire dramatique de quelqu'un qui meurt. Et le premier qui a tué la mort, il est revenu vivant. Ça a été le rêve. C'est pourquoi Osiris était la star à la vallée de Roi et dans l'au-delà. Il s'appelait en hiéroglyphe le prince des morts, le roi de l'au-delà. Quand avez-vous, Bassem, eu vraiment envie d'étudier tout cela, enfin de vous spécialiser, d'être égyptologue? C'est grâce à mon père. Mon père, en fait, il est architecte. Il avait beaucoup de livres à Alexandrie. Et un de ses livres, c'était l'architecture pharaonique. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai commencé à lire ce livre. Et mon père, il m'a promis qu'en été, quand on termine l'école, il va m'amener au Caire et il va me faire voir les pyramides. Et là, je suis arrivé peut-être à 9 ans. Et quand j'ai vu les pyramides devant moi, bon, ça a été le début de l'histoire. J'étais pris par ça. Et maintenant, vous transmettez. J'essaye. Je trouve que qu'est-ce que vous voyez, c'est des grands temples, c'est des sites magnifiques. Et moi, je trouve que le niveau de l'explication, il doit être au même niveau de monument. Parce que sinon, on va rater beaucoup de choses sur le site. Mais il faut transmettre le message à une façon pas trop sérieuse. Avec humour. Oui, avec un peu d'humour. Parce que sinon, c'est plate. Et voilà, j'essaye, j'espère que je réussis. Quoi. Et donc vous êtes venu ici, c'est 500 fois, c'est ça? Ah, plus ou moins, oui. Ouais. Je pense pas que je fais moins que 500 croisières ou 400 croisières de ma vie. Quoi. Et le son émir, là, je le faisais avant quand il y avait beaucoup de tourisme, chaque semaine, c'est une ça. Fois. Donc ou deux. Vous le connaissez par cœur? Oui. Vous pouvez le jouer, même oui. Sans aller au son émir, on peut avoir la présentation. Oui. Mais c'est un spectacle extraordinaire. Retrouvons dans ce Suivez le Guide en Haute-Égypte pour la dernière fois le fabuleux steamship Soudan, la vieille dame du Nil, bateau datant du début du XXe siècle, longuement évoqué déjà avec son directeur Amir, qui attire notre attention sur les machines qui, Amir, sont d'origine. Bien sûr, les machines à vapeur sont d'origine complètement. Les mêmes pistons, les mêmes techniques, les mêmes clés. La seule chose qu'on utilise maintenant, le fuel à la place du charbon. We'll be right back. maintenant, il file bien hein, sur le Nil. Hein. Oui. Bon, bah, plus vite en descente qu'en montée, mais quand c'est on pas remonte, le maximum de vitesse. Ouais, c'est pas le maximum. Non. On n'aime pas de faire comme le train, bien sûr. Oui, on essaye. Il faut avoir le temps de regarder quand même la vie sur les bords, sur les rives du Nil. Toujours, on étudie chaque détail. Ouais. Chaque détail, on étudie pour faire le meilleur pour le visiteur. Et un détail, c'est la navigation. On n'aime pas de faire le maximum de vitesse pour vous donner la chance de faire le maximum de navigation. Quand le steamship Soudan affiche complet, il y a à peu près une cinquantaine de passagers. Oui, exactement. Nous avons 23 cabines et suites, qu'elle fait 46, mais ça arrive. Il y a des vacances, par exemple, des saisons, les enfants, on peut arriver jusqu'à 50. Donc il y a une cinquantaine de passagers et il y a près de 70 hommes d'équipage. Enfin, tout compris, avec vous, avec le directeur, oui, avec le. Nous sommes une équipe de 70. Le capitaine. De 70. Enfin, ouais. De 60. Donc, il y a plus d'équipage que de passagers. Oui, parce que c'est un bateau différent. Chaque département doit faire un bon travail. Par exemple, nous avons 11 mécaniciens à bord. C'est le seul bateau sur le Nil qu'il y a 11 mécaniciens à bord, parce que le maximum sur les autres bateaux, c'est 4-5. C'est raisonnable parce que nous avons deux salles de machines. Salle à machine à vapeur et salle à machine à diesel. Et par exemple, dans la cuisine, nous avons 15. Mais c'est beaucoup. Hein. Oui. Cuisine mais et service. Cuisine. Que cuisine. Que cuisine, oui. Nous avons 4 pour nettoyage. Nous avons 11 cuisinières, et marins et pilotes. Nous avons 7 marins et 3 pilotes. C'est un gros équipage, avec uniquement des hommes. Oui, ou alors elles sont cachées. J'ai pas vu les femmes ou elles sont cachées. Non. C'est une bonne question, Thierry. Bah, ce que j'ai reçu, ces questions souvent de mes clients. Oui. Pourquoi il n'y a pas de femmes à bord? En Égypte, et spécialement en Haute-Égypte, c'est très très difficile. Et si le système de vacances, le système de travail, qu'on doit passer plusieurs jours à bord, ça arrive jusqu'à 40-45 jours. Et ça, c'est impossible pour les femmes. Si elle est mariée et si elle a des enfants. Si elle est mariée et des enfants, c'est impossible de laisser ça. Et spécialement, l'homme travaille. Et lui aussi, il n'est pas marié. C'est pas acceptable pour les familles que la fille passe un mois et demi loin de maison. Aussi, franchement, c'est très compliqué pour la vie à bord. Oui, à organiser. Oui. Doit avoir des cabines pour femmes. Pour femmes, doit avoir des traitements. Je sais pas, oui, c'est ça. C'est pour ça, et c'est pas seulement sur le Soudan, sur le. Tous les bateaux Oui, nous avons sur le Nil à peu près 350 bateaux. Sont tous. Que des équipages masculins. Exactement. Ouais. L'exception, les guides par exemple, les gens qui les viennent pour quelques jours, maximum une semaine, deux semaines. Bassem nous disait qu'il y a effectivement des femmes guides qui viennent ici. Et pour moi, je vais vous dire, je vais vous donner une autre raison, professionnalisme. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon équipe qui restent avec moi à peu près 15 ans maintenant. Le minimum 4 ans, 5 ans, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour le former. Alors, l'équipage vit où? Parce que, bon, au-dessus, il y a les cabines. Oui, en dessous. En dessous? En dessous. Ah ouais. Nous avons un grand dortoir. Chacun, il a son lit. Il y a la clim, il y a la télé, il y a les cafétérias. Bon cafétéria. Je joue avec mon équipe tout le temps quand je suis libre dans la cafétéria de domino, de quelque chose comme ça. Ouais, de domino. Ouais. Oui, oui. Mm-hmm. J'ai participé mon équipe de manger, de jouer. On joue ensemble. Et même ici, même de football par exemple, on loue une place pour jouer. Ouais, ouais. On vit ensemble. On vit ensemble. Donc il y a une vie souterraine là en dessous de nous. En dessous de nous, c'est les cuisines. Les cuisines. Juste en dessous, c'est la cuisine. Et le dortoir d'équipage, c'est à l'avant des bateaux. C'est si on revient à la construction du bateau, juste pour redire un mot, donc c'est les entreprises, enfin c'est Thomas Cook. Tout le monde connaît le nom parce qu'aujourd'hui encore, hein, il y a les voyages Thomas oui. Cook. Et c'est surtout son fils, parce que moi je dors dans la cabine John Manson Cook. Oui. C'est le fils de Thomas Cook. Oui. Et c'est vraiment lui qui a développé les voyages organisés. Bien hein, sûr. Et accessibles. Hein. La construction et le voyage ensemble, les deux. Vous savez que le Soudan peut considérer les dernières générations de vapeurs de Thomas Cook. Après ça, Thomas Cook il a commencé à construire des bateaux à diesel. Le Soudan, il était le plus moderne bateau à vapeur dans cette époque. Mais c'était aussi rendre accessible à l'époque déjà l'Égypte à une clientèle moins noble, riche, oui. mais moins riche que ceux qui venaient avant. Oui. À part Agatha Christie, on a d'autres noms qui sont venus. Je pensais, puisque là on va vers Assouan, par exemple l'Aga Khan, la Begum, est-ce qu'ils sont venus ici? Non. Peut-être ils sont venus pour visite très vite, mais pas accommodation, pas séjour, voyager, exactement, pas voyageur. Sinon, là, on a croisé un autre bateau. Mais ça suffit, Agatha et le roi. Oui, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. On a croisé d'autres bateaux. Ce sont ces bateaux qu'on appelle comment? Les Dahabiya. Dahabiya. Dahabiya, oui. Dahabiya, ça veut dire petit bateau, mais avec un autre style de fonction. La vie est complètement différente. C'est un bateau avec pas beaucoup de cabines. Mais il y a des cabines quand même. Hein. Oui, c'est bien sûr, mais maximum 6-7 cabines. C'est ça. Enfin, c'est plutôt des groupes, un groupe qui va louer ça. Une famille, exactement. Beaucoup de familles, beaucoup d'amis ensemble, parce que la vie là doit être comme quelque chose naturel. Des personnes qui se connaissent, ça oui, c'est sûr. Oui, oui. Et voyageur du monde, il a un bon dahabiya qui s'appelle la flâneuse. La flâneuse de Nil, elle est magnifique aussi. Vous savez qu'en Égypte, on l'appelle le bateau comme féminin. C'est, on dit la petite sœur de Soudan. Et c'est pas masculin comme chez vous en France. C'est oui. vrai. Et d'ailleurs, comme en Angleterre, on dit she. She, voilà. Donc oui. un bateau, on en parle comme d'une dame. Oui, ouais. exactement. C'est pour ça qu'on dit la flâneuse, c'est la petite sœur de Steamship Soudan. Ce qu'il faut encore préciser, c'est qu'il y a eu des gros travaux aussi pour les cabines, parce que on l'a pas encore dit, mais les cabines sont très luxueuses, avec chaque cabine a sa salle de bain, avec une douche. Enfin, ça veut dire qu'il faut aussi charger de l'eau, je suppose, tous les jours. Enfin, c'est toute la logistique est quand même importante. Hein. Des très beaux lits. Enfin, oui, c'est. Oui. Ah, il y a aussi les superbes téléphones dans chaque chambre. Oui, c'est ancien. Les vieux téléphones. C'est le vieux téléphone, oui. Les cabines étaient pas comme ça à l'époque. Il y a bien sûr des changements qu'elle a déjà dit à vous qu'il y a beaucoup de choses à ajouter, beaucoup de choses à changer. Chaque cabine avec son clim, avec le salle ouais, de bain, avec le système de Donc l'eau. Il y a 23 cabines, c'est ça? 23 cabines. 23 cabines. 23 cabines et suites. Et suites. Nous avons 5 suites, 4 dans le bon supérieur et une dans le cet étage. Suivez le guide, Thierry Georges. Suivez le guide en Égypte. Follow the guide en Égypte, follow the guide, car des passagers anglais sont à bord du steamship Soudan, Vicky et Johnny, qui ont tellement aimé cette croisière qu'ils l'ont réservée dans les deux sens, une semaine à bord contre 3 ou 4 jours seulement. Vicky et Johnny, vous êtes anglais et vous êtes en croisière sur le steamship Soudan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette croisière? Nous cherchions quelque chose de plus authentique que les autres bateaux naviguant sur le Nil. Alors quand nous avons vu et lu l'histoire de celui-ci, nous nous sommes dit c'est génial et nous avons embarqué. C'est une part d'histoire ce bateau et l'Égypte a une histoire tellement ancienne. Alors comment ne pas apprécier de voyager à bord? C'est incroyable de se dire que ce bateau a été construit en 1885. Et qu'il a toujours la même machinerie. Nous pouvons ressentir et entendre les mêmes ambiances que les gens qui naviguaient dessus à la création. C'est extraordinaire. Est-ce que ça vous a donné envie de lire ou de relire donc ce roman policier d'Agatha Christie, bien sûr, qui est anglaise, elle aussi, Mort sur le Nil? Je l'ai relu en voyageant sur le Nil. Je l'avais lu il y a des années et aussi vu le film. On peut imaginer l'ambiance à bord. Les cabines sont les mêmes. Je connaissais les meurtres du livre et maintenant je peux les voir dans mon esprit. You didn't meet during your life Hercule Poirot, the detective. Vous n'avez pas rencontré au cours de votre vie Hercule Poirot, le détective. But you met a secret agent. Mais vous avez rencontré un agent secret, Johnny. Vicky, you better tell him about it. Vicky, raconte-lui. Oui, nous avons rencontré un agent secret au Mozambique. Nous étions avec une amie. Nous avons croisé cet agent très spécial. Mais non, nous n'avons pas rencontré Hercule Poirot. Même si c'est lui qui m'a laissé dormir dans son lit la nuit dernière. C'était peut-être son fantôme. Vous l'aurez deviné, le James Bond qu'ont croisé Vicky et Johnny en Mozambique, c'est Daniel Craig. Terminons ce 7e suivi de guide en Égypte avec Bassem, le guide francophone du steamship Soudan. Dernière conversation à bord pour quelques généralités du mot Égypte à Clo-Clo et Dalida. Bassem, quelques questions, mais vraiment pêle-mêle, sans lien forcément. L'origine du mot Égypte, on est en Égypte, mais Égypte, ça vient d'où le nom Égypte? Ce pays est magnifique. Ce pays, il avait plusieurs noms à l'époque de Pharaon. Par exemple, il s'appelait Kemet, ça veut dire la terre fertile, la terre noire, ça veut dire la vallée de Nil en fait. Il s'appelait Tamerit, ça veut dire le pays aimé ou le pays qu'on aime. Mais un des derniers noms de ce pays, c'était Hotkapetah, ça veut dire le palais de la création. Et les Grecs, ils sont venus avec Alexandre le Grand et même 2-3 siècles avant pour la commerce, etc. Ils ont bien prononcé ces mots à la façon grecque. Alors Hotkapetah, c'est devenu Égypte. Ils ont ajouté le S parce que c'est un nom propre, c'est devenu Égyptos. Et de Égyptos, c'est devenu le mot Égypte à la fin. Intéressant. Et le mot Copte aussi. Parce que Copte, finalement, oui. Ils ont appelé les Égyptiens Égyptio. Parce que c'est les habitants de Égyptos. Et les Arabes, ils ont prononcé Égyptio Copte. Copte. Et c'est devenu les Coptes. Et la vérité est que le mot Copte, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Alors, et aujourd'hui, les Coptes sont les chrétiens. Ah, mais ça, c'est mal dit. Il y a pas un de mes grands profs, il nous a dit quoi, depuis 20 ans. Il nous a dit, nous sommes tous des Coptes. Mais il y a des Coptes musulmans et des Coptes chrétiens. Parce qu'un copte, ça veut dire un égyptien. C'est ça. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et pourtant, quand on utilise le c'est mal utilisé aujourd'hui. Bon, on dit peut-être aussi les chrétiens coptes, mais voilà. Ils sont orthodoxes, les coptes. Ouais. À propos, la majorité de peuples égyptiens, ils sont restés toujours chrétiens jusqu'au 10e siècle, à l'époque de Fatimide, jamais avant. Après ça, on voit pour la première fois que la majorité devient musulmane. Et voilà, maintenant, il y a peut-être 15% de la population qui sont encore coptes. Ils sont des chrétiens orthodoxes, comme le russe, le serbe, le grec. Par exemple, ils célèbrent Noël le 7 janvier. Alors, étonnant aussi, Champollion, Jean-François Champollion, vous dites, Bassem n'a jamais vu la pierre de Rosette. Ah oui. On a souci, hein, Champollion, pierre de Rosette. Ah oui, il a travaillé sur une copie. Vous savez, la pierre de Rosette, jamais vu l'original. La pierre de Rosette, il était découvert à la ville de Rosette, en Égypte, en 1798 ou 19, par un des généraux de l'expédition française qui s'appelle Bouchard, capitaine Bouchard. Ils l'ont amené au Caire tout de suite à Bonaparte. Et Bonaparte, même s'il n'était pas égyptologue, vous savez, il était intelligent, il a dit ça va nous aider. Surtout qu'il avait des savants avec lui. 170 il était venu savants. Avec des savants. Oui. Et voilà, ils ont fait des copies avec l'encre. Pour la pierre, ils l'ont envoyé directement en bateau en France. Et en fait, Champollion, il a travaillé sur une copie. Parce que la pierre de Rosette est restée en Égypte jusqu'en 1801. Là, les Français, ils étaient un peu coincés. Ils ont perdu la flotte à la bataille d'Aboukir contre les Anglais. Et pour sortir de l'Égypte, ils ont fait un contrat avec les Anglais ou un accord qu'ils vont rentrer sur des bateaux anglais. Avec trois conditions. La première, c'est qu'ils donnent la pierre de Rosette à l'Angleterre. À partir de 1801, elle est allée au British Museum. Et vous serez étonné, il y a un code civil en Angleterre qui interdit que la pierre de Rosette sorte de l'Angleterre. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre l'importance de cette pierre. Mmh. Voilà, c'est pourquoi on va la voir aujourd'hui au British Museum. Ah oui, voilà. Mmh. Et c'est pourquoi il l'a jamais vue, notre ami Champollion. Mais par contre, Champollion, il est venu voir l'Égypte en 1828. Il a déchiffré les reliefs en 1822. Il est venu ici 1828. Il est resté 18 mois. Ça lui a pris du temps pour déchiffrer les hiéroglyphes. Il a travaillé 10 ans. 10 ans. 10 ans. Oui, mais voilà, il était génie, Champollion. Je serais étonné que Champollion, il a parlé très bien l'arabe, le copte, parce que c'est le copte qui l'a aidé à déchiffrer les hiéroglyphes, parce que c'est la première étape phonétiquement du hiéroglyphe, en fait. Il a parlé aussi le chinois. Il a des livres extraordinaires sur la langue chinoise. Mmh. Il est mort jeune, à 42 ans, crise cardiaque. Il a travaillé 18 heures par jour. De la fatigue, il est mort, en fait, ce jeune homme. Parce que jusqu'à sa mort, il y avait quelques savants qui ont dit, ça, c'est pas la bonne façon pour déchiffrer l'hiéroglyphe. Vous savez, il y aura toujours, hein, Collège de France à la Sorbonne, il y avait beaucoup de profs, ils l'ont dit, non, il l'a mal fait. Et finalement, il y avait un Allemand qui s'appelle Karl Lespius. Il a continué ses travaux. Et après ça, ça passait toujours aux Français. Après cet Allemand, il y avait notre amie Mariette, Maspero, Jean-Philippe Loer, jusque Christiane Noblecourt, aujourd'hui, François Demain, Sylvie Couvy. Ça, c'est une femme égyptologue extraordinaire qui a fait des livres magnifiques sur le temple ptolémaïque, comme Edfou, Komombo, Philae. Elle a passé beaucoup de temps en Égypte. On a un livre ici sur le bateau, il s'appelle Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Elle a vécu très âgée. C'est marrant, les égyptologues ou les archéologues vivent très âgés, j'ai l'impression. Normal, regarde, ils vivent. Ça me rassure un peu. On peut accuser Napoléon de plein de choses, mais on l'a accusé à une époque d'être responsable de l'absence du nez du sphinx, à Gizeh. Et vous dites, c'est pas lui, il était innocent. Il est innocent. Et peut-être il n'est pas innocent d'autre chose, mais concernant le nez du sphinx, il est innocent. Parce qu'on a découvert des gravures qui datent des années 60 de 18e. Ça veut dire, 1760. Oui, alors. C'est avant Napoléon. Oui, quand même. 40 ans avant lui. Où on n'a plus trouvé le nez non plus. Il n'y avait pas le nez déjà. Il y avait un artiste danois, mais bon, il a dessiné le sphinx et il a perdu le nez. Ouais. Vous savez, le nez, c'est toujours fragile. Et souvent, c'est le rejet de tempête de sable. Je suis tombé avec le rejet de tempête de sable. Ouais. Il y a même des livres arabes du Moyen-Âge qui nous parlent d'un musulman un peu strict qui voulait marteler le visage de sphinx au Moyen-Âge. Il a fait tomber le nez. Alors, Bonaparte, oui, c'est vrai que peut-être il a bombé le cœur, mais il n'a jamais bombé le sphinx, ni son visage. Ouais. Donc ça veut dire. Alors il est innocent de ça. On a parfois vu Napoléon dans le nez pour rien. Non. À propos, Napoléon, il est resté en Égypte juste un an. Juste un an, il est parti après. Il a laissé les Français avec Kléber, qui était un général de Strasbourg. Kléber, il était assassiné au Caire. Alors il y avait un troisième qui est sorti avec les Français, il s'appelle Jacques Monod. Celui-là, il était converti à la religion musulmane. Il s'appelait Abdullah. Il se mariait avec une belle femme égyptienne qui s'appelait Zobaïda. Et il l'a pris avec lui. Est-ce que les Égyptiens connaissent Claude François et Dalida? Moins que les Français. Dalida, oui. Mais Claude François, non. Même si les deux, ils sont nés en Égypte. Vous savez, Clo-Clo, il est né à Ismaïlia. Parce que son ça père... se trouve où? Ismaïlia, c'est au milieu du canal de Suez, à l'est, pas très loin de Boursaïd et de Suez. Hein. Son père, il a travaillé au canal. Et à la guerre de Suez, malheureusement, Nasser a chassé tous les Anglais, les Français après, et il est parti. Et voilà, il est allé en France, il est devenu Claude François. Et c'est pourquoi il a chanté Alexandrie, Alexandra. Attention, parce qu'il a passé les vacances avec ses parents à Alexandrie. Il a bien aimé la ville d'Alexandrie, où je suis né, mais bon. Donc vous chantez aussi 40 ans après, Alexandrie, Alexandra. pourquoi pas. Je l'aime beaucoup, cette chanson. Dalida, elle est carotte. Elle vient de Caire, carotte. Donc d'origine italienne. Son papa, elle était musicien à l'opéra de Caire. Et c'est pourquoi, en fait, il s'est installé au Caire. Dans un quartier typique qui s'appelait Chobra, au nord. Et elle était Miss Egypte, 1952. Et elle était Miss actrice. Egypte, oui. Elle était actrice, 52. Un seul film égyptien. Avant de partir en France, il a essayé de faire un film. Et ça a été aussi avec Youssef Chahine. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, Youssef Chahine, il l'a appelé Dalila. Bon, un nom un peu agressif. Shamshoun, Dalila, etc. Alors, le film, il n'a pas eu de succès. Elle est partie en France, il a changé son nom. Il a fait Dalida. Donc c'est, finalement, c'est en lien avec Youssef Chahine. Voilà, oui, ouais. toujours. Et est-ce qu'elle avait tourné avec Omar Sharif, qui lui a fait une carrière Omar Sharif aussi, était très connu, elle était découverte par Youssef Chahine. Ils ont fait leurs études ensemble à Alexandrie, à Victoria College, une grande école anglaise. Omar Sharif, il ne s'appelait pas Omar Sharif, en fait, parce qu'il est chrétien. Et il avait un autre nom, Joseph, je ne me rappelle plus quoi. Ouais. Mais pour être une star en Égypte, tu dois être avec un nom arabe. Alors, ils l'ont appelé Omar Sharif. Oui. Et moi, elle était convertie à la religion musulmane. Il se mariait avec une actrice égyptienne très connue qui s'appelle Fatin Hamam. C'était un couple de rêve, là, en Égypte, aux années 50-60. May I have your permission to ask your daughter, Maria, to do me the honor of opening the ball? Have I your permission? If your Imperial Highness insists. Quand on évoque les hôtels historiques, alors Winter Palace, Old Cataract, le Steamship Soudan, bien sûr on parle d'Agatha Christie qui a fait le voyage, mais il y a d'autres, alors il y a beaucoup d'autres amoureux anonymes de ces hôtels et du Steamship Soudan, mais des amoureux connus aussi. Il ne faut pas oublier François Mitterrand. Mitterrand était amoureux surtout d'Assouan. Il a beaucoup aimé Assouan. Et voilà, il est resté toujours, il est passé ses vacances officiel et caché là, en haut des cataractes. Maintenant, on appelle la terrasse là, la terrasse de Mitterrand. Ah oui, on peut aller donc sur la terrasse. Ah oui. Ouais. Prendre un verre sur la terrasse de Mitterrand. Oui. Ça, c'est un rêve de beaucoup de clients qu'elles viennent, parce que c'est écrit dans beaucoup de guides. Voilà, qu'on va aller pour voir un thé là, pour regarder le coucher de soleil à la terrasse Mitterrand. Et la dernière fois, elle est venue avec sa fille Mazarine. Et ça a été peut-être 3 semaines après, avant sa mort. Je l'ai vu. Ouais, on se l'a vu là, mais bon, elle était, sur une chaise volante en fait. Ah oui. Ça a été son dernier voyage, je pense. L'Égypte, ça a été son dernier voyage. Mitterrand à Assouan a adoré l'Égypte. À quelques jours, il a adoré aussi de sa mort. La perche de Nil. Les personnels là, ils disent qu'il a toujours mangé la perche de Nil. Il a adoré Assouan. Il a appelé Assouan la ville au ciel ouvert. Ouvert. Oui. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. C'est bizarre parce que il n'est jamais allé faire ce voyage à Nice ou à Cannes, mais l'Italien. Mais peut-être aussi pour s'y cacher un peu. Peut-être il avait la chance de se promener parce que c'est pas le visage le plus connu de pays arabe, même s'il était très bien aimé dans les pays arabes, François Mitterrand. Bah, ça y est, on est arrivé à Assouan. Pour nous, l'aventure s'arrête. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à bord du Steamship Soudan. Merci beaucoup. Et de mon cœur, je vous souhaite tout le bonheur pour vous ainsi que pour toutes les familles chez vous. Et on espère à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. On dit quelque chose en Égypte, c'est un petit proverbe très intéressant. On dit que boit l'eau du Nil doit revenir. C'est pas exactement l'eau du Nil, mais c'est déjà visité l'Égypte, doit revenir. Si on vous attend à la prochaine. Moi, je me suis brossé les dents parce que l'eau est filtrée et tout. Donc, je me suis brossé les dents et rincé la bouche avec l'eau du Nil. Donc, pour moi, c'est le proverbe, c'est qui se rince la bouche avec l'eau du Nil doit revenir. Oui, c'est en dit comme ça, mais c'est un petit proverbe très intéressant. J'espère que vous avez passé bon séjour, bon croisière. On espère qu'on a vous aidé de faire bon travail aussi. Merci et à très bientôt. Et c'est la fin de ce Suivez le Guide en Égypte. Grand merci Amir, directeur du Steamship Soudan, Bassem, notre guide, Anne Duménil, conseiller spécialiste Égypte du tour opérateur Voyageurs du Monde, Sarah L'Herbier et Vanessa Descourtis de l'agence Indigo Consulting Paris, l'office du tourisme égyptien. Un grand merci aussi à Jani Ortiz pour sa précieuse collaboration. Réalisation Roman Feocchio, un guide de voyage conseillé, le petit futé Égypte. Et connectez-vous à steam-ship-soudan.com. Et puis le blog followtheguide.blogspot.fr pour retrouver les photos des émissions. Mais il a dit une très belle phrase, Agatha Christie. Il a dit, il faut se marier avec un archéologue. Plus que tu es vieilli, plus qu'il fait attention à toi. Comme femme. Oui, oui, Agatha Christie a dit ça. Ah oui. C'est génial. متى يكرم الحي